إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue, aujourd'hui c'est le cours numéro 7 dans l'explication de Fadl al-Islam, le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan du livre Fadl al-Islam. On a expliqué hier, on a expliqué le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si le prophète Moussa alayhi salam était vivant, il n'aurait pas d'autre choix que de le suivre, c'est-à-dire que de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu Omar avec des pages de la Torah dans sa main. Et à ce moment-là, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cette parole et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a répondu en disant que il est satisfait d'Allah comme son Seigneur, de l'Islam comme étant sa religion et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Et là, on a expliqué que une fois qu'une religion elle a été, c'est-à-dire une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, les religions précédentes ou les révélations précédentes ont été abrogées, et on n'a plus le droit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par les religions qui ont été abrogées. Maintenant, on adore Allah subhanahu wa ta'ala par qu'est-ce qui est abrogeant, c'est-à-dire c'est la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis il a donné l'exemple de faire la prière à Bayt al-Maqdis. Donc nous, quand on fait la prière aujourd'hui, on se dirige vers la Qibla, et la Qibla c'est la Kaaba à la Mecque. Avant, au début de l'Islam, la Qibla c'était Bayt al-Maqdis en Palestine, hein. Mais après, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au coin de se diriger vers la Kaaba, qui est la maison qui a été construite par Ibrahim alayhi salam. Donc, ça c'est pour dire que si aujourd'hui quelqu'un décidait de se diriger vers la Qibla ancienne, c'est-à-dire vers Bayt al-Maqdis, sa prière ne serait pas valable, parce que ça a été abrogé aujourd'hui. Donc le cheikh il donnait ça comme exemple pour dire que c'est la même chose pour tout ce qui a rapport avec la religion en général, ce qui a été abrogé, on n'a plus le droit de l'utiliser comme pratique religieuse pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ يقول ensuite وكذلك بقية الدين فلا يجوز لأحد أن يقول أنا أعمل بالتوراة مع أن التوراة نسخت وقد حرفت ولكن لو قدر أنه ليس فيها تحريف فلا يجوز العمل بها لأنها منسوخة فالتوراة إما محرفة وإما منسوخة فلا يجوز العمل بها وكذلك الإنجيل إما محرف وإما منسوخ ولم يبقى إلا العمل بالقرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والدين لله وما هو بالأهواء والشهوات والرغبات. الشيخ dit que comme je disais c'est la même chose pour tout le reste de la religion, pas seulement pour la Qibla, c'est pas seulement pour la direction dans la prière, c'est pour tout ce qui a rapport avec la religion en général. Et donc, il n'est pas permis à quelqu'un aujourd'hui de dire « Moi, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala selon la Torah, je pratique la Torah. » On n'a pas le droit de dire ça, la Torah ou l'Injil. Donc, le cheikh dit « La Torah, elle a été abrogée maintenant, c'est le Coran qui est valable seulement. » Donc si quelqu'un vient pour pratiquer la Torah, ce ne sera pas accepté s'il adore Allah en suivant la Torah. Et en plus, elle a été falsifiée. La Torah a été changée et falsifiée par les hommes. Mais supposons qu'elle n'avait pas été falsifiée et changée par les hommes, malgré ça, il ne serait pas possible ou permis de l'adorer par ce livre-là, parce qu'il a été abrogé. Donc la Torah, elle est soit falsifiée, changée ou abrogée. Donc il n'est pas permis de l'appliquer. Et la même chose pour l'Évangile, hein, elle est soit falsifiée ou abrogée. Et donc la seule chose qui nous reste maintenant, c'est l'application du Coran qui est venu, qui a été amené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein. Et donc la religion que Allah nous ordonne de suivre, c'est la religion qui a été révélée à la fin au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a révélé aux autres messagers auparavant, ça a été abrogé ou falsifié. Donc on n'a plus le droit de le suivre. Donc on doit se baser dans la religion sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas sur les passions ou les désirs, hein, des choses de ce genre. Donc on se base sur la révélation et non pas sur les désirs qu'on peut avoir. Donc vous avez par exemple des athées qui disent « Ah, regardez, les gens ils se battent pour la religion, les gens ils font des guerres pour la religion. » Regardez même les koufars, ceux qui sont athées par exemple, parmi eux, que ce soit des laïcs, des démocrates ou autres, eux aussi ils font la guerre pour défendre leurs idées. C'est pas une guerre pour les religions, c'est pas une guerre pour une croyance religieuse, mais c'est une guerre pour une autre croyance qui est non religieuse. Donc, ils sont eux aussi concernés par la question du combat, hein. Et ils combattent pour établir, par exemple, leurs idéaux, leurs valeurs, leurs principes, leurs règles. Hein. Ils veulent que ce soit la laïcité qui soit au-dessus de tout. Ils veulent que ce soit la démocratie qui soit au-dessus de tout. Ils veulent que ce soit les droits inventés par l'homme qui soient au-dessus de tout. Et ils veulent que la parole de Dieu soit rabaissée. Et que les lois d'Allah soient mises en dessous de l'autorité de l'homme. Donc, eux aussi, ils sont en train de combattre, hein. Et les guerres que ces gens-là ont faites sont beaucoup plus destructrices que les guerres qui existaient auparavant, qui ont été faites soi-disant au nom des religions. Avec les deux guerres mondiales, les deux dernières guerres qui ont été mondiales soi-disant, avec les bombes atomiques et tout ça, les missiles, toutes les armes de destruction, il y a eu plus de morts dans ces deux guerres-là que dans toutes les autres guerres précédentes dans l'humanité. Donc, ceux qui prétendent que le fait qu'il y ait que ceux qui disent ou qui prétendent que s'il n'y avait pas de religion, il n'y aurait pas de guerre, ben c'est des menteurs, hein, et c'est un mensonge. Donc le cheikh dit ensuite, « Na'am, law kana Moussa hayyan, hal huwa afdalu, na'am, law kana Moussa hayyan, wa huwa afdalu anbiya'i bani Israël, wa huwa kalimullah, law kana hayyan, waqta bi'atati Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam, ما وسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبقى على شريعته لأنها نسخت وانتهت والأمر لله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Donc le cheikh il dit, oui, même si Moussa était vivant aujourd'hui, et c'est le meilleur prophète parmi les prophètes de Bani Israël, même s'il était vivant, malgré que c'est un prophète à qui Allah a parlé directement, même s'il était vivant à l'époque de la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas eu d'autre choix que de suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on leur dit, même s'il n'était pas falsifié du tout, même si tout ce qui était dedans était 100% authentique, exactement tel qu'il avait été révélé à Moussa, alayhi salam, et même si la Injil qui existait aujourd'hui, c'était le vrai Injil de Isa, alayhi salam, ses vraies paroles, eh bien, on n'aurait pas le droit de le suivre aujourd'hui. Hein? Puisque si lui-même il était vivant en personne, on n'aurait pas le droit de le suivre, encore moins son livre. Hein? Donc ça c'est clair. Donc le cheikh il dit, donc que même s'il était, donc s'il était vivant, il n'aurait pas eu d'autre choix que de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne reste que la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu abroger toutes les autres qui étaient là auparavant. Et donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui commande ça. Et c'est à Allah qu'appartient le commandement là-dedans. Il mentionne le verset 39 dans Surah Al-Ra'ad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il efface ce qu'il veut et il confirme ce qu'il veut. Et c'est auprès de lui qu'est le livre mère, Ummul Kitab. Ensuite, il explique la suite des paroles dans l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé avec Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il dit قَالَ عُمَرْ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ أن الإنسان إذا تبين له الحق وأن لا يجادل فيه ولا يماطل. فهذا عمر رضي الله عنه كان يدور مع الحق، فهو ظن أن هذه الورقة من التوراة فيها حق فأعجبته، ولكن لما بين له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البيان اقتنع، فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا هو الواجب، أن الإنسان إذا تبين له الحق يجب عليه المبادرة إلى قبوله، فإن تأخر عن قبوله وحري أن يزيغ قلبه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. فهذا فيه بطلان اتباع غير القرآن من الكتب السابقة لأنها منسوخة بالقرآن. donc le cheikh il dit que Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه il a dit donc je suis satisfait quand le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit cette parole, il a dit je suis satisfait d'Allah comme étant mon Seigneur et de l'Islam comme étant ma religion et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant mon prophète. Et ça c'est l'obligation pour le croyant, pour le musulman. Ça c'est obligatoire pour lui. Du moment qu'il entend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend la preuve, eh bien il ne commence pas à vouloir débattre ou argumenter, hein, disputer. Non, il accepte la vérité puis il se soumet. Hein, c'est ça ce qui est obligatoire pour lui. Il commence pas à vouloir rejeter la vérité ou argumenter avec la personne. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui ont cette caractéristique-là. Tu leur montres les preuves du Coran et de la Sunna, ils continuent à vouloir débattre avec toi et argumenter avec toi. Donc ça, c'est pas correct. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il est connu par le fait qu'il suivait toujours la vérité. Et il suivait la vérité là où la vérité l'amenait. Hein? Et yani, il ne remettait pas la vérité en question. Et aussi, il y en a des, comme certains ulama ont expliqué, quand il parle de Omar radiallahu anhu, il dit كَانَ وَقَّفًا عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ. Yani, c'est-à-dire, on lui donnait un hadith ou un verset à propos de quelque chose qu'il faisait, si on lui disait que ça c'était pas permis, ou que c'était pas correct, ou qu'il ne devait pas faire quelque chose avec preuve, automatiquement il s'arrête et il ne continue pas à le faire. كان وقافا، c'est-à-dire il s'arrêtait yani, à la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est important d'avoir, de développer ces caractéristiques-là aussi. Et ça aussi donc le cheikh dit pourquoi, parce que Omar radiallahu anhu il a cru que dans cette page de la Torah il y avait une vérité, et cette vérité-là, là, yani, elle lui a plu, il a aimé ce qu'il avait lu dedans. Donc, il a voulu la prendre pour la lire, hein, et pour la garder. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué, hein, il lui a dit, même si Moussa alayhi wa sallam était vivant aujourd'hui, hein, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guidance qui est dans le Coran et qui est dans la Sunna, elle nous suffit. On n'a pas besoin d'une guidance extérieure à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Contrairement à ce que certains parmi les musulmans aujourd'hui, ils s'imaginent que pour pour, pour vivre dans cette dunya, pour avoir le bonheur, pour être bien guidés, ils peuvent aller voir autre que qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Donc ils recherchent plus d'autres choses ailleurs. Hein, et tu les vois aller par exemple chercher dans d'autres croyances, dans d'autres religions, dans d'autres philosophies, dans d'autres idéologies, pour chercher des réponses à leurs problèmes dans leur vie de tous les jours, ou bien dans leurs croyances ou des choses de ce genre. Et cette attitude-là, ce comportement-là, c'est ça qui a fait que beaucoup de gens ont dévié du droit chemin. Et beaucoup de gens sont sortis de la voie de l'islam et de la sunna à cause de ça. Donc, il faut être conscient et il faut être convaincu et satisfait de ce qui est dans l'islam comme guidance. Et bien entendu, c'est toujours selon le niveau de la connaissance de la personne. Il est possible que quelqu'un pense que dans l'islam, il n'y a pas la réponse à la question qu'il cherche, ou bien qu'il n'y a pas la guidance qu'il a besoin, dont il a besoin dans certains points ou dans certaines questions. C'est parce qu'il n'a pas assez de connaissances. C'est pas parce que cette connaissance-là est absente dans l'islam. Hein? Et donc, souvent, c'est justement le grand problème des musulmans aujourd'hui, c'est ça. C'est que, étant donné qu'ils n'ont pas étudié l'islam, ils n'ont pas étudié le Coran, ils n'ont pas étudié la Sunna, hein, et donc, ils pensent que dans l'islam, il n'y a pas les choses qu'ils ont besoin, ils vont chercher ailleurs. Et ils critiquent l'islam, ou ils pensent que l'islam est insuffisant pour les guider. Hein. Donc, c'est leur faute à eux, yani, à cause de leur manquement et le fait qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts pour chercher la vérité, chercher les réponses à leurs questions dans le Coran et dans la Sunna. Donc le cheikh, il continue à expliquer, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la réponse, il lui a clarifié les choses, et Omar radiallahu anhu a été convaincu par la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, je suis satisfait, hein, d'Allah comme mon Seigneur, de l'Islam comme étant ma religion, et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant mon prophète. Et ça, c'est l'obligation de l'homme, hein, c'est l'obligation de chacun d'entre nous, hein, chaque être humain, lorsqu'on lui a clarifié la vérité, il est obligatoire pour lui de se précipiter à accepter cette vérité-là, et de ne pas retarder l'acceptation de la vérité. Parce que s'il retarde dans l'acceptation de la vérité, c'est possible que son cœur dévie du droit chemin par la suite à cause de ça. La rapidité à laquelle tu te précipites pour accepter la vérité qui t'est présentée, ça peut jouer un grand impact, ça peut avoir un grand rôle, un grand effet dans la guidance de ton cœur, ou dans la déviation de ton cœur aussi. Hein? Et il mentionne le verset 110 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ » Et on renverse leur cœur et leur vue, comme s'ils n'avaient pas cru la première fois, comme ils n'avaient pas cru la première fois. Et nous les laissons dans leur transgression, hein, s'aveugler et s'enfoncer de plus en plus dans leur transgression. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru du premier coup. Hein? Ils n'ont pas cru du premier coup lorsque la vérité leur a été présentée. Et donc, à cause de ça, ils ont été punis par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a renversé leur cœur, hein, par la suite. Et donc, ils ont été égarés encore plus. C'est une punition qu'ils ont reçue du fait qu'ils n'ont pas accepté la vérité du premier coup. Le cheikh dit « فهذا فيه بطلان اتباع غير القرآن من الكتب السابقة » Donc ça, c'est la preuve qu'il est faux de suivre autre que le Coran, hein, dans parmi les livres qui ont été révélés précédemment, parce qu'ils ont été abrogés. Et on a l'exemple de ça dans tout ce qu'on vient d'expliquer, dans qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Al-Ma'moun, hein, un des khulafas de Bani al-Abbas, de Al-Abbasiyya. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert une maison ou un centre à son époque pour faire traduire tous les livres de philosophie grecque et philosophie asiatique, hindoue, tout ça. Il a appelé ça Dar al-Hikmah. Hein? Et quand vous parlez avec des gens, certains musulmans, ils ont cette mentalité, cette philosophie, surtout parmi les modernistes ou les ikhwan, ils disent non, mais ils disent l'islam, dans l'islam, il faut profiter de toutes les cultures, toutes les civilisations, toutes les connaissances, c'est la richesse, il faut profiter de la richesse de l'humanité, ainsi de suite. Et comme les ulama ont expliqué, ici c'est de profiter des sciences naturelles, des choses qui sont bénéfiques de ce qui vient des kuffars, comme par exemple actuellement dans la société ou dans la civilisation occidentale, tu veux profiter de l'ingénierie, tu veux profiter des mathématiques, d'autres sciences qui ont rapport avec les aspects de la dunya pour t'aider dans ces choses-là, ça il n'y a pas de problème. L'utiliser et tu peux l'étudier, et même que parfois même ça peut être même obligatoire dans certains cas d'apprendre et d'étudier certaines sciences pour les maîtriser comme il faut, pour être capable d'en profiter. Mais quand tu sors des limites de qu'est-ce qui est dans la dunya, tu commences à rentrer dans les aspects de croyances et de pratiques religieuses ou de les aspects qui ont rapport avec les idéologies, et tu commences à entrer dans ça et commences à dire je vais utiliser ces idéologies-là et ces croyances-là qui sont dans les autres croyances, dans les autres religions, et je vais les utiliser et je vais les pratiquer comme étant des formes et des sources de guidance pour moi dans ma vie, ça, là tu as dépassé la limite. Tu as dépassé la limite. Et ça c'est comme si en même temps tu es en train de dire que l'islam il n'est pas complet. Tu es en train de dire que l'islam il n'est pas suffisant. Que tu as besoin de quelque chose d'extérieur à l'islam pour être sur la vérité ou pour être bien guidé. Et ça, c'est quoi faire de penser comme ça? C'est une idée très dangereuse. Donc, l'erreur de ces gens-là et le danger de ce que ces gens-là ont fait, c'est ça. Et donc, on a vu qu'est-ce qui est apparu par la suite, la aqidah des Mu'tazila et la aqidah des Jahmiyyah, des Mu'tazila et des autres groupes et des autres sectes qui sont arrivés par la suite. Tout ça, c'est à cause du fait qu'ils ont pensé que le Coran et la Sunna c'était pas suffisant. Ils ont pensé qu'on avait besoin d'autre chose que ça. Malgré que le Coran et la Sunna étaient suffisants pour les Sahaba, et pour les Tabi'in, et les Tabi'in, et plus les gens se sont accrochés au Coran et à la Sunna, plus ils ont été sincères là-dedans, plus Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné les résultats et la force et tout le reste qui vient avec. Mais quand les gens se sont éloignés du Coran et de la Sunna et ont cherché des réponses, des solutions à leurs problèmes à l'extérieur de ça, et bien c'est là qu'ils ont commencé leur déclin. Et souvent, surtout parmi certains islamistes aujourd'hui, certains penseurs ou certains idéologues islamistes, ils ont cette idée-là eux aussi. Ils pensent qu'il faut aller chercher les croyances et la guidance et les principes de la religion dans ce que les kuffars ont inventé, ou dans leur religion, ou dans leurs idéologies, dans leur système politique ou autre. Et ça, c'est dangereux. Donc, ensuite, le cheikh, il dit, Babun, ça c'est un autre chapitre, Babun, ma ja'a fi al-khuruj an da'wa al-islam. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été mentionné au sujet de sortir de l'appellation de l'islam. Donc le premier verset que le cheikh a mentionné, il dit wa qawluhu ta'ala huwa sammakum al-muslimina min qabl wa fi hadha. Ça c'est dans sourate al-Hajj le verset 78. C'est-à-dire que il vous a appelé musulman avant ça et dans cette voie, dans cette religion aussi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelé muslimin, musulmans, c'est-à-dire ceux qui sont soumis à lui, ceux qui n'adorent que lui et qui s'écartent de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Le cheikh explique ce verset et le titre aussi. Il dit « هذا الباب فيه أن هناك من يتسمى بالإسلام ولكنه يخرج به أو يخرج منه بسبب أنه يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام » فيظن أنه مسلم وهو غير مسلم. Donc le cheikh dit dans ce chapitre, on va expliquer le fait qu'il y a des gens qui se disent appartenir à l'islam et qui se disent musulmans, mais ils sont sortis de l'islam parce qu'ils ont fait une chose qui annule leur islam, qui vient détruire leur islam. Donc, il croit qu'il est musulman alors qu'il n'est plus musulman. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il croit qu'il est musulman alors qu'il n'est plus musulman. مثال ذلك الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم هذا مسلم ولكنه إذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك بالله وخرج من الإسلام لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهذا هو الإسلام فإذا عمل عملا أو قال قولا أو اعتقد اعتقادا يخالف الإسلام فإنه لا يكون مسلما ولو كان ينتسب إلى الإسلام وما أكثر ما يحصل هذا وهذا مما يجب على المسلم أن يحذره وأن يتعلم ما هو الإسلام الصحيح وما هي مبطلات الإسلام ونواقضه حتى يتجنبها. Donc le cheikh explique, il dit, des exemples de ce qu'on vient de mentionner, comme des gens qui disent qu'ils sont musulmans et qu'ils pensent qu'ils sont musulmans alors qu'ils ne sont plus musulmans parce qu'ils ont quitté l'islam. Il dit, c'est comme quelqu'un qui témoigne de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et qui fait la salat, et qui fait le jeûne, hein, mais malgré ça, tu vois qu'il invoque d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le shirk. Quand il a un malheur ou une détresse, il invoque d'autres que Allah, il appelle des morts ou d'autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala pour le sauver. Ou bien il sacrifie des animaux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il sacrifie pour une tombe ou des choses de ce genre. Alors celui-là, il a associé avec Allah et il est sorti de l'islam en faisant ça. Il n'a pas, donc pour que quelqu'un sorte de l'islam, regardez, quelqu'un il est comme ça, il peut être assis comme ça, et là il fait un dua, il prie à autre que Allah, il sort de l'islam automatiquement, parce qu'il a invoqué d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prié à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pris un mort, il a pris un saint, il a pris quelque chose comme ça, un homme pieux, des choses de ce genre. Donc, il n'a pas tué personne, il n'a pas volé, il n'a pas fait de grands péchés parmi les grands péchés en apparence, il n'a pas fait de grands crimes, il n'a pas fait un hold-up dans une banque, mais il est sorti de l'islam juste parce qu'il a invoqué quelqu'un en dehors d'Allah. Et ça, c'est shirk. Et le shirk, c'est plus grave que tous ces péchés-là que je viens de mentionner. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre, parce qu'il y a des gens qui regardent les péchés, mais ils ne comprennent pas comment les comparer, les évaluer les uns par rapport aux autres. Quand tu regardes le shirk, en apparence, tu dis, mais où est-ce qu'il y a le mal? On ne fait pas de mal à personne. On tue personne, on vole pas, mais par contre ce péché-là, pour Allah, il est plus grave, le shirk, il est plus grave que tous les autres crimes que tu peux faire. Et c'est le seul péché qu'il ne sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que même si, aux yeux de la majorité des hommes aujourd'hui, ce péché-là, il n'est pas grave, il n'est pas important ou il est insignifiant, qu'est-ce qu'il représente par rapport à Allah, à l'offense contre Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que tous les autres. Parce que celui qui invoque d'autres qu'Allah et qui adore d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a essayé d'enlever à Allah son droit, absolu. Et donc, c'est la plus grande injustice que quelqu'un peut commettre. Ok? Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire comprendre aux gens que ces choses-là, c'est les plus graves, de commettre des actes de shirk, d'offrir des actes d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient détruire ton islam, ça vient te faire sortir de la religion musulmane. Même si tu n'as pas fait d'autres grands péchés. Ça c'est quelque chose d'expliquer ça à quelqu'un, c'est très très important, parce que aujourd'hui il y en a des gens, ils jugent seulement par rapport à des choses qui ne sont pas les par rapport aux bases et au centre même de l'islam. Donc le cheikh il dit ensuite, donc ces gens-là, ils adorent donc Allah, ils font du shirk, et celui qui commet du shirk, il sort de l'islam. Parce que l'islam, ça signifie quoi? Ça signifie de soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, soumettre notre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala en croyant au tawhid, et de soumettre notre corps en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, et de se désavouer du shirk et des mushrikines. De se désavouer du shirk, c'est-à-dire je suis contre le shirk, je me désavoue du shirk, je veux rien savoir et j'ai rien à voir avec tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, je le rejette, et je rejette les mushrikines aussi, je me désavoue d'eux, je ne suis pas avec eux. Hein? Donc ça c'est ça le bara'a. Tu veux rien, tu dis je ne suis pas avec vous, je n'ai rien à voir avec vous. Hein? Donc alhamdulillah. Donc s'il y a des gens qui croient au shirk, qui défendent le shirk, qui pratiquent le shirk, qui aiment le shirk, nous on dit on n'a rien à voir avec vous et on ne veut rien savoir de vous. Hein? Ça vient tracer une ligne entre vous et nous. Du moment que vous êtes pour le shirk et vous aimez le shirk et vous défendez le shirk, eh bien nous on se désavoue complètement de vous, on ne veut rien savoir de vous et on est contre vous. Et il y a une ligne entre vous et nous qui nous sépare, on ne veut rien savoir de tout ce que vous pratiquez par rapport à ces choses-là. Donc ça c'est l'islam, ça c'est la définition de l'islam, ça c'est l'islam. Et donc le cheikh il dit, si tu fais une action ou tu dis une parole ou bien tu crois à une croyance qui est en contradiction avec l'islam, alors dans ce cas-là tu n'es pas musulman, mais même si tu prétends être un musulman. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tu fais une pratique religieuse, ou bien tu dis une parole, ou bien tu crois en quelque chose qui contredit l'islam dans ses fondements. Alors à ce moment-là, tu n'es pas musulman. D'accord? Donc quelqu'un par exemple, il se prosterne à des idoles. Hein, il égorge des animaux pour des tombes, pour des saints. Il sort de l'islam. Ou bien quelqu'un, dans son cœur, il croit que yani, quelqu'un peut l'aider en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que seul Allah peut faire. Ou bien il croit qu'un homme connaît le ghaib, connaît l'invisible en dehors d'Allah. Ou bien il croit qu'il y a quelqu'un d'autre qui contrôle dans le monde avec Allah. Ou bien il croit à un porte-bonheur, hein, et qu'il croit que s'il porte ce porte-bonheur, ou ce talisman, ou cette chose, ça va le protéger contre le mal en dehors d'Allah. Ça, c'est des exemples de croyances de shirk. Ou quelqu'un qui croit que dans l'islam, il y a des manques. C'est pas complet la religion. Il pense qu'on peut juger par d'autres choses que l'islam, d'autres règles que l'islam, d'autres lois, d'autres systèmes que l'islam. Ça, c'est des croyances de kufr. Quelqu'un qui dit non, je suis d'accord avec certaines règles de l'islam, mais d'autres règles, je suis pas d'accord. Ça, c'est kufr aussi. Il n'a pas cru en l'islam, celui qui dit ça. Mais ça, il y en a des musulmans comme ça aujourd'hui. Hein, quand les journalistes ou femmes leur posent des questions sur l'islam, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec telle chose? Hein, la réponse du musulman, ça doit être, moi je suis d'accord avec tout ce qui est dans le Coran et tout ce qui est dans la Sunna, peu importe que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Ça c'est la réponse du musulman. Peu importe qui vous pose la question, que ce soit un journaliste ou autre, un kafir ou n'importe qui, il vous demande, est-ce que vous êtes d'accord, tu lui dis. Si c'est dans le Coran, et si c'est un hadith authentique, et si c'est sahih, je suis d'accord et je l'accepte. Hein? Si c'est des pratiques que des musulmans ont inventées, des innovations et des bidas, et ils te demandent est-ce que vous êtes d'accord avec ça, là tu dis non, ça c'est des innovations, ça fait pas partie de l'islam. C'est des choses que des gens ont inventées, je le rejette. Mais si c'est effectivement réellement dans l'islam, et que c'est dans le Coran, et que c'est dans la Sunna, et que les salafs sont d'accord avec, et qu'ils l'ont pratiqué, alors dans ce cas-là, toi aussi tu dois être d'accord avec, et tu dois l'appliquer, et tu dois dire, j'y crois, et je suis d'accord avec cette chose-là. Hein? Peu importe qu'est-ce que ça peut être. Hein? Donc ça c'est important. Donc, et éviter aussi de nier des choses par rapport à ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas. Il y a des gens parfois, les kuffars, ils vont leur poser des questions, ils ne savent pas, par exemple, ils vont dire, non, ça je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec telle chose? Par exemple, ils demandent, est-ce que vous êtes d'accord avec la lapidation? Toi, tu ne sais pas que la lapidation, c'est dans l'islam. Si tu ne sais pas, si tu as un doute, tu dis, je ne sais pas. Tu dis, je ne sais pas, mais si ça fait partie de l'islam, je suis d'accord avec. Si ça ne fait pas partie de l'islam, si ça ne fait pas partie de l'islam, je ne serai pas d'accord avec. Mais si ça fait partie du Coran et de la Sunna, je serai d'accord avec. Tu ne dis pas ce que tu ne sais pas. Et tu n'affirmes pas ce que tu ne sais pas. Tu ne l'affirmes pas, tu le nies pas. Ce que tu ne sais pas. Donc tu dis, il faut que je demande aux gens qui savent, aux ulama. Le problème, c'est que souvent, il y a des musulmans, ils ne savent pas, ils affirment quelque chose, ou bien ils vont le nier, et ils ne savent même pas est-ce que c'est correct ou non. Comme aujourd'hui, il y en a maintenant, quand on leur pose la question à propos du niqab, ou de couvrir le visage, il y en a des musulmans, tu les vois, ils nient. Ils disent non, ça ne fait pas partie de l'islam. Qui t'a dit que ça ne fait pas partie de l'islam, alors qu'il y a des hadiths là-dessus? Et il y a des versets dans le Coran qui mentionnent ça. Hein? Donc, ça c'est l'ignorance des gens, et des fois, ça les pousse à nier des choses qui sont dans l'islam, hein, et des fois à affirmer des choses qui sont dans l'islam, affirmer des choses qui ne font pas partie de l'islam, ou à nier des choses qui font partie de l'islam. Donc ça, il faut faire attention. Mais sinon, en général, ta aqidah doit être en accord avec l'aqidah de l'islam, et tes paroles et tes actions et tes croyances doivent être en harmonie avec l'islam en général. Bah oui, ça c'est encore plus grave. Si quelqu'un il va nier quelque chose de l'islam pour faire plaisir aux koufars, ou pour que les koufars soient satisfaits de lui, ou pour se rapprocher des koufars pour avoir quelque chose de la dunya en retour, ça c'est encore plus dangereux et encore plus grave dans le crime, dans le péché de la personne. Donc le cheikh il dit, وما أكثر ما يحصل هذا ça arrive souvent à notre époque. Hein? Ça arrive souvent des gens qui font des paroles, qui disent des paroles, qui font des actions ou qui croient en des choses qui sont contraires à l'islam. Hein? Donc aujourd'hui, tu vois un musulman, il dit oui. Moi. Un musulman, il dit moi je suis laïque. Je suis musulman laïque. Je suis musulman communiste. Ou je suis musulman socialiste. Hein? Ou, allez. Ouais, bon, ça peut. En principe, tous les musulmans sont modérés parce que par nature, l'islam, c'est la modération. Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire parfois par modéré? C'est pas nécessairement la vraie modération. Souvent, ils disent qu'ils sont modérés parce que, ils veulent satisfaire les pouvoirs dans certains de leurs désirs ou de leurs passions. Tandis qu'être modéré, dans le vrai sens, ça veut dire que tu crois au Coran, que tu crois à la Sunna, et que tu suis l'exemple des salafs sans exagérer et sans enlever non plus. Le juste milieu. Tu ne fais pas d'extrémisme, tu ne fais pas de laxisme. Hein? Donc souvent ceux qui se disent modérés, c'est des gens qui tombent dans le laxisme et ils veulent se faire passer pour des modérés. Alors qu'ils sont des extrémistes, mais de l'autre sens. Il y a l'extrémiste qui rajoute, il y a les extrémistes qui enlèvent. Eux sont partie des extrémistes qui enlèvent. Hein? Ouais, aujourd'hui là ça devient tellement relatif maintenant, c'est comme extrémiste par rapport à qui, et modéré par rapport à qui. Pour les koufars, être un vrai modéré, c'est un extrémiste. Hein? Pour eux, pour les koufars, un vrai musulman qui est modéré, c'est un musulman qui ne pratique pas l'islam. Il ne prie pas, il ne jeûne pas, la femme ne porte pas le hijab, il boit de l'alcool, il se mélange avec les koufars. ils mangent du porc, ils font tout ce qui est interdit. Ah, lui, c'est un modéré. Elle accepte les autres religions, elle accepte le coffre, elle accepte tout. Hein? Elle est contre rien, elle est d'accord avec tout. Ah, c'est un musulman modéré pour eux. Mais le musulman, depuis qu'il est d'accord avec l'islam, qu'il est contre, qu'il contredit l'islam, ah, lui, c'est un extrémiste. Alors que c'est ça le modéré. Hein? Donc, il ne faut pas se laisser tourner la tête par les jeux de mots, là, de ces kuffars. Ensuite, le cheikh, il dit, وهذا مما يجب على المسلم أن يحذره وأن يتعلم ما هو الإسلام الصحيح وما هي مبطلات الإسلام ونواقده حتى يتجنبها. Donc ça c'est l'obligation pour le musulman de faire attention hein, à ces choses-là et d'apprendre qu'est-ce que c'est l'islam, le vrai islam, hein, pour que yani, justement il soit un vrai musulman. Et il doit également savoir qu'est-ce que c'est les choses qui annulent l'islam de quelqu'un, qui viennent détruire l'islam de quelqu'un, comme ça. Lorsque tu vas connaître ces choses-là, tu vas pouvoir t'en écarter, tu vas pouvoir t'en éloigner et rester sur le vrai islam. Et j'ai fait les cours sur Nawaqid al-Islam, ils sont sur le site Salafi de Montréal. Donc le titre du cours c'était Sharh Nawaqid al-Islam, l'explication des choses qui annulent l'islam. Donc on a fait ces cours-là, je pense c'était en tout, je pense c'était 30 cours. Donc retournez à ce cours-là, Sharh Nawaqid al-Islam, avec le Sharh de Cheikh Al-Fawzan justement, ce sont les 10 choses qui annulent l'islam de quelqu'un. Ensuite, le cheikh dit, أما إذا كان يجهل هذا فإنه قد يقع فيه ويخرج من الإسلام وهو لا يشعر. يقول الله جل وعلا هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ما هي ملة إبراهيم أبينا؟ ما هي ملة أبينا إبراهيم؟ هي التوحيد والإخلاص لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله. هذه ملة أبينا إبراهيم، وهذا خالفها نعم، وهذه ملة إبراهيم وما خالفها فإنه كفر وشرك بالله عز وجل. هذه دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى الانقياد لله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. الشيخ الزين سلوكي إنيار les choses qui annulent l'islam de quelqu'un, il risque de tomber dedans et sortir de l'islam alors qu'il ne s'en aperçoit même pas. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Hein, vous avez des gens qui font des conférences sur l'islam, qui parlent de l'islam, qui font des sortes de choses, qui, il y en a des activités par rapport à l'islam, qui sont reliées à l'islam, mais ils n'enseignent pas aux gens qu'est-ce qui est qu'est-ce qui vient annuler l'islam de quelqu'un, qu'est-ce qui est contraire au fondement de cet islam. Et donc, vous avez plein de musulmans, parfois ils disent des paroles de kufr, ils font des actes de shirk, ou bien ils ont des croyances qui sont contraires au tawhid, et les gens ils ne le savent pas, ils ne réalisent même pas qu'ils sont en train de contredire l'islam. Donc, le cheikh il mentionne ensuite le verset 78 dans Surat al-Hajj, qui est le premier verset justement que le cheikh a mentionné. Il vous a choisi, il vous a rapproché de lui, et il n'a mis aucune difficulté pour vous dans la religion de votre père Ibrahim. Il vous a appelé des musulmans avant et dans cette religion aussi. C'est-à-dire dans la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que le messager soit un témoin sur vous et pour que vous soyez des témoins pour les hommes. Donc, qu'est-ce que c'est la religion d'Ibrahim? C'est la religion du Tawhid et la religion du Tawhid, l'unicité d'Allah, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, et de la purification de notre adoration, de la sincérité envers Allah dans notre adoration. Donc, de rendre notre adoration purement pour Allah, et sincèrement pour Allah seul. Que tout ce que tu fais, tu le fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vis toute ta vie entière est dédiée et vouée à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et ensuite il dit, et ce qui également c'est de se désavouer du shirk. Donc tu adores Allah seul et tu te désavoues de ce qui est adoré en dehors d'Allah, tu te désavoues du shirk, des idoles, des statues, et de tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah, des saints, des tombes, etc. Et les gens qui font ces pratiques-là. Ça, c'est la religion de notre père Ibrahim. Et ceux qui contredisent dans cette voie, celui qui contredit ça, alors il est dans le kufr et il est dans le shirk, et il a rejeté la foi en Allah, et il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. هذه دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى الانقياد لله بالعبادة وترك عبادة ما سواه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الشيخ الذي أنسويتكم يعني que cette religion, la religion d'Abraham, le Tawhid, ça c'est la religion de tous les messagers, et c'est l'invitation de tous les messagers. Du premier jusqu'au dernier, ils ont appelé les hommes à ça seulement. C'est-à-dire, c'était ça leur message à tous. Ils appellent à ce qu'on se soumette à Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration, et qu'on abandonne l'adoration de ce qui est adoré en dehors de lui. Et il mentionne les versets 36 dans Surat al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons fait venir dans chaque nation un messager pour dire à cette nation, adorez Allah et écartez-vous du ta'arut. Écartez-vous du ta'arut, ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la base de l'islam. Ça c'est la base de l'enseignement de tous les messagers d'Allah. Ça c'est le plus important. Si quelqu'un n'a pas compris ça, le reste ça sert à rien. Si quelqu'un par exemple il fait le salat, il fait le jeûne, il fait le hajj, mais il a fait le shirk, ça compte pas. Donc ça c'est important. Il y a des gens, on dirait, la seule chose quand ils parlent aux kuffars, ils veulent essayer de les convaincre sur des aspects de l'islam, mais ils négligent le tawhid et ils mettent le tawhid en dernier, comme si c'était pas important, comme si c'était pas ça la base. Donc, ils appellent les kuffars à être d'accord sur des choses qui sont pas les fondements de l'islam. Soyez d'accord avec nous sur l'utilité du hijab, par exemple. Vous soyez d'accord avec nous sur l'interdiction du riba, l'interdiction de l'intérêt dans les prêts. Soyez d'accord avec nous sur les valeurs islamiques. La morale, le bon comportement, tout ça c'est des choses importantes en islam, qui fait partie des enseignements de l'islam. Mais si quelqu'un il a respecté tout ça, il jeûne, il fait le hajj, il fait la salat 5 fois par jour, il fait la zakat, et il respecte le comportement islamique, et il a le meilleur comportement avec les autres, mais qu'il n'a pas compris le tawhid, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. S'il a contredit les fondements de l'islam, il n'est pas musulman, même s'il se dit musulman, même s'il pense qu'il est musulman. Donc c'est pour ça que c'est important d'expliquer ça aux musulmans, de leur clarifier ces choses-là. Et lorsqu'on fait la da'wah à des kuffars, de se concentrer sur le tawhid. Donc le cheikh il dit, ensuite il mentionne l'autre verset, le verset 25 dans Surat al-Anbiya, nous l'avons envoyé de messagers avant toi, excepté pour qu'ils vivent excepté qu'on lui a révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. Donc ça c'est le message que tous les messagers ont enseigné à leur peuple. Quand ils arrivaient à leur peuple, première chose qu'ils leur disaient, avant de leur enseigner les autres aspects de la religion, avant de leur enseigner les règles de la religion, les règles de la zakat, les règles du hajj, les règles de la prière, les règles de les autres aspects de la religion, avant de leur enseigner le bon comportement, avant de leur enseigner les punitions pour les crimes, avant de leur enseigner toutes les autres choses de la religion, ils commençaient toujours par la ilaha illallah, par le tawhid. Pourquoi? Parce que si quelqu'un n'a pas compris correctement le tawhid, le reste de ce qu'il fait ne sera jamais accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent c'est comme ça. Et donc, il y a des convertis, comme tu dis, quand ils se convertissent, on leur explique les choses que le musulman doit pratiquer, comme les cinq piliers, mais on passe par-dessus le premier des piliers. Le premier des piliers, c'est quoi? C'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ça, on leur explique pas assez clairement et assez correctement. Donc, les convertis sont là en train de pratiquer ces piliers-là, et souvent, ils restent avec des idées contraires à l'islam, des croyances contraires au fondement de la ilaha illallah. Ils le savent même pas. Et on leur explique même pas ces choses-là. Donc ça, c'est dangereux, en fait. Et ils risquent de sortir de l'islam sans même savoir qu'ils ont sorti de l'islam. Et surtout s'ils sont entrés dans l'islam avec des sectes ou avec des groupes qui ont des croyances qui sont contraires au tawhid, des choses de ce genre. Comme les gens qui rentrent dans l'islam et qui rencontrent des musulmans soufis, des gens qui disent musulmans qui sont des soufis, et ils commencent à leur enseigner des croyances qui sont contraires au tawhid, ils tombent dans le shirk, ils adorent les morts, ils prient les morts, ils prient les hommes. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc tu vas te dire, mais comment ça se fait? Quelqu'un il rentre dans l'islam, il tombe avec ces gens-là. Je me souviens une fois, il y avait un soufi, au début quand j'étais converti, il avait une librairie. Et j'y allais parfois dans sa librairie parce que il avait des livres en anglais et en français. Donc moi j'allais pour jeter un coup d'œil. Subhanallah, il a remarqué que j'achetais jamais des livres de soufis, que j'achetais jamais les livres qui parlaient de soufis. Et les soufis, surtout ces gens-là, ils savent que les occidentaux en général, les Européens, les Français, les Européens et aussi les Américains, ils ont un penchant vers le soufisme. Ils sont attirés vers ces choses-là. Vous trouvez chez les soufis, il y en a qui se concentrent même à faire des branches de leur tariqa ici en Occident, parce qu'ils savent qu'il y a cette tendance-là. Parce que les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment pas les religions, ils aiment la spiritualité. C'est-à-dire, soi-disant, des choses qui n'ont pas de règles, qui n'ont pas de lois ou de choses à respecter, qui sont strictes et claires. Ils veulent juste pouvoir, juste dire, bon, je crois en quelque chose, mais j'ai pas rien de, rigide ou de, contraignant. Je peux faire ce que je veux. Comme, maintenant, après, par exemple, ils sont attirés par le bouddhisme, par des choses de ce genre, par le Krishna, ils rentrent avec les Krishna, ils rentrent avec, toutes ces choses-là. Le soufi, la même chose. Puis quand ils sont attirés par ces groupes-là, ils rentrent avec eux. Après, tu les vois, le cheikh, il rentre, ils se mettent à, prosternés devant le cheikh, soufi, ils embrassent ses pieds quand ils rentrent, et des choses de ce genre. Et donc, les hommes et les femmes mélangés, toutes ces choses-là pour attirer les désirs de ces gens-là, pour les amener vers l'égarement. Et puis, par la suite, donc, ils ne leur enseignent jamais le tawhid et les bases de l'islam. Ils les gardent dans leur ignorance. Et même que j'ai entendu une histoire grave, il y a justement dans un pays musulman où il y a des turcs soufis et il y a même des chrétiens là-bas. Il y en a parmi les chrétiens qui sont allés avec les soufis pour pratiquer ces choses-là avec les soufis, des affaires de croyances soufis, des pratiques des soufis, ils sont rentrés avec eux, ils leur ont dit, vous n'avez pas besoin de rentrer dans l'islam, vous pouvez rester chrétien et être dans notre tariqa. Donc ça veut dire, ils acceptent même des chrétiens à rentrer dans le soufisme et ils disent que c'est correct, ils vont être au paradis malgré qu'ils ont la croyance en des choses qui sont contraires à l'islam. Donc ça c'est pour dire que ces gens-là, ils enseignent, ils ne vont pas enseigner à ces musulmans-là qu'ils ont converti les bases de l'islam. Ensuite, le cheikh, il mentionne un hadith. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من دثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فدعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال حديث صحيح وقال حديث حسن صحيح. Donc c'est un hadith qui est apporté par Al-Harith Al-Ash'ari radiallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ordonne cinq choses que Allah m'a ordonné de respecter. L'écoute, l'obéissance, le jihad, la hijra et la jama'a. Ça c'est les cinq choses. Il a dit, celui qui va contre la jama'a, Qayda Shibrin, c'est-à-dire d'une distance d'une main, il se sépare de la jama'a, il a enlevé le collier de l'islam de son cou, jusqu'à ce qu'il revienne. Et celui qui appelle à l'appel de la jahiliya, à l'invitation de la jahiliya, alors il sera le combustible de l'enfer. Et un homme a dit, ô messager d'Allah, même s'il prie, même s'il jeûne, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il prie, même s'il jeûne, donc invitez ou appelez, appelez-vous par l'appellation que Allah vous a donnée, par laquelle il vous a appelé, les musulmans, les croyants et les serviteurs d'Allah. Et ça c'est rapporté par l'imam Ahmad al-Tirmidhi et il a dit que c'est un hadith qui est Hassan Sahih. Ce hadith, il comporte des enseignements qui sont très importants, qui sont fondamentaux pour les musulmans. Cheikh il dit, « هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بخمس. » Dans ce hadith, il y a le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, « Je vous ordonne cinq choses. » الأولى, la première, « السمع والطاعة لولي أمر المسلمين » لأنه لا يستقيم الأمر إلا بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين فالمسلمون لا يصلح أن يبقوا متفرقين ومختلفين لا بد أن يجتمعوا ويتوحدوا لا بد أن يجتمعوا ويتوحدوا ولا يجتمعون إلا على إمام أو ولي أمر ولا تحصل الإمامة وولاية الأمر إلا بالسمع والطاعة ولكن في غير المعصية كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Donc le cheikh il explique, il dit, parmi ces cinq choses que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de respecter, la première, il y a l'écoute et l'obéissance aux dirigeants musulmans. Donc السمع والطاعة, l'écoute et l'obéissance du dirigeant musulman. Les musulmans, ils disent le cheikh que leur affaire ne peut jamais fonctionner et ne peut jamais être en droit ou en ordre, excepté lorsqu'ils obéissent à un dirigeant. Et donc, les affaires des musulmans ne peuvent pas fonctionner s'ils restent divisés chacun de son côté. Et c'est comme ça que les choses étaient dans la jahiliya. Avant l'islam, les Arabes, à l'Arabie et à l'époque, donc, ils étaient tous des différentes tribus. Ils n'avaient pas un dirigeant qui les les unissait et autour duquel ils se mettaient hein, ensemble. Donc, ils étaient tous en train de se disputer le pouvoir et l'autorité les uns contre les autres. Chaque tribu faisait la guerre à une autre tribu. Et l'islam est venu arrêter ça et les a tous réunis ensemble, malgré leurs tribus, pour les unir tous ensemble autour d'un seul dirigeant. Hein? Donc, ça c'est quelque chose qui est important dans l'islam. Et il faut que les musulmans se réunissent et qu'ils se rassemblent. Et qu'ils se rassemblent autour d'un dirigeant, autour d'un chef. Pour, hein? Et donc, ça c'est ce qui fait ensemble qu'il y aura, ça c'est ce qui fait en sorte qu'il y aura l'écoute et l'obéissance de ce dirigeant-là. Bien entendu, l'écoute et l'obéissance, c'est dans tout ce qui est bon, excepté dans le péché. Si le dirigeant nous ordonne de faire un péché, de désobéir à Allah, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de l'obéir dans ce péché-là en particulier. Mais dans le reste, on continue à l'obéir, puisqu'il continue à nous ordonner le bien. Et donc, il mentionne le verset, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. » Donc, on n'a pas le droit d'obéir à une créature si cette créature-là nous ordonne de désobéir au créateur, c'est-à-dire à Allah. Donc, si un être humain te dit « désobéit à Allah », tu lui dis « j'obéis pas à toi, j'obéis seulement à Allah. » Mais s'il t'ordonne des choses en général qui ne sont pas contraires à l'islam, tu lui obéis à ce dirigeant-là. D'accord? Donc, le cheikh il dit فيجب السمع والطاعة لولي الأمر وإلا لا يتم اجتماع المسلمين ولا تتوحد كلماتهم ولا يكون لهم جماعة ينضوون تحتها فالذين لا سمع لولي الأمر فالذي لا يسمع لولي الأمر ولا يطيع هذا ليس من الجماعة هذا خرج من الجماعة ومن خرج من الجماعة فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه هذا وعيد شديد الأمر ليس بالهين أن ينعزل الإنسان عن المسلمين ويتخلف عن المسلمين باجتهاده ورأيه فلا بد من الاجتماع من أجل أن تتوحد كلمة المسلمين وتتم مصالحهم ويقوم أمرهم. Donc le cheikh il dit, يعني qu'il est obligatoire donc d'écouter et d'obéir aux dirigeants musulmans. Et sinon, les musulmans ne pourront jamais s'unir. Les musulmans ne pourraient jamais s'unir. Maintenant, par exemple, dans un pays quelconque, s'il n'y a plus de dirigeants et que les gens commencent tous à se disputer entre eux, ça devient quoi? Ça devient le chaos. Hein? Donc, du moment qu'il y a un dirigeant, les musulmans, ils savent qu'il y a une autorité, ils savent qu'il y a un chef, ils savent que c'est lui qui doit être obéi, et donc ils s'unissent, et ils travaillent ensemble. Et c'est ça qui est obligatoire pour les musulmans. Donc, dans chaque pays musulman où il y a un dirigeant qui est un chef d'État, qui est un président, hein, dans ce pays-là, il est le responsable pour ces musulmans-là. Et ils doivent l'écouter et l'obéir dans le bien. Ça fait partie de l'islam. Il y en a des musulmans qui pensent que ces questions-là, ça a pas rapport avec la religion. Et que les questions d'obéir à un chef ou un président, que ça, c'est pas obligatoire dans l'islam. Il y en a même qui sont contre ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éduqués dans l'islam avec la mentalité des Khawarij et de ceux qui sont contre, justement, l'obéissance aux dirigeants. Et tu les vois, ces gens-là, qui contredisent tous les hadiths qui nous ordonnent d'obéir à notre dirigeant musulman. Parce qu'ils disent, ce dirigeant musulman-là, il fait des péchés. Il contredit l'islam dans certaines règles, dans certaines choses. Donc, on ne veut plus l'obéir, on ne veut plus l'écouter, et on appelle les musulmans à se rebeller contre lui ou à se révolter contre lui. Ça, c'est la croyance de la secte qu'on appelle les Khawarij, qui sont des gens qui contredisent l'islam. Hein? Donc ça, c'est cette idéologie-là qui s'est propagée et qui s'est répandue dans le monde musulman aujourd'hui à cause de certains groupes comme le groupe des Ikhwan al-Muslimin ou bien comme d'autres groupes de cette tendance-là, qui ont fait de l'islam une idéologie de révolution, de rébellion et de révolte contre les pouvoirs politiques dans les pays musulmans. Dans l'islam, est-ce qu'on a le droit de critiquer le dirigeant ? Non. Les ulama, alhamdoulilah, ils ont répondu à ce sujet-là. Ils ont expliqué qu'on n'a pas le droit de critiquer les dirigeants. Et on n'a pas le droit de parler contre les dirigeants. Si on a une critique à faire, il faut la donner directement au dirigeant lui-même, lui faire parvenir soit par la parole, ou par écrit, ou par l'intermédiaire de quelqu'un qui va lui transmettre notre critique. Hein? C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui est contraire à l'islam, ou il a fait quelque chose, on considère qu'il s'est trompé, ou qu'il a fait une erreur, ou on veut lui donner un conseil, on le fait comme on l'a lu dans les fatwas des ulama, on le fait entre nous et lui. Et on le fait en secret. Et on le fait en même temps, soit verbalement, soit par écrit, ou bien par l'intermédiaire de quelqu'un qui a accès à ce dirigeant-là pour lui parler, pour lui donner le bon conseil. Mais de le critiquer plus publiquement ou ouvertement, de dire aux gens « Ah, il a fait telle chose, il a fait telle chose, le roi de tel pays, il a fait ça, le président de tel pays, il a fait ça, hein, etc. » Ça, c'est interdit de le faire. Sans critiquer un gouvernement en particulier, mais il les critique tous en même temps, puisque c'est de cette façon-là, indirectement, il les critique tous. Bon. Allahu alam. Et allez, moi, qu'est-ce que je peux comprendre par rapport à ce point-là? C'est que qu'est-ce qui est important de comprendre? Qu'est-ce que les ulama ont expliqué à ce sujet-là? Et par rapport, par exemple, au fait que, en ce qui concerne les pays musulmans aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a la capacité de faire le djihad. Dans ce cas-là, les ulama, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, et Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Huydan et d'autres ulama, hein, parmi les grands ulama de notre époque et dans le passé également, ils ont tous dit que lorsque un pays ou un État ou un dirigeant n'a pas la capacité de le faire, il est excusé de cette obligation-là. Et il ne sera pas puni pour ne pas l'avoir fait dans la situation comme ça. Mais qu'est-ce qui est obligatoire dans un cas pareil, c'est de se préparer jusqu'à ce qu'ils aient la capacité de le faire. Et la préparation pour le djihad, ce n'est pas aux individus, mais c'est aux chefs de l'État de le faire. Selon sa capacité aussi, selon ses moyens. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas mettre sur une âme une charge qu'il n'est pas capable de porter. Donc il ne faut pas s'imaginer que toi, si tu serais à sa place, tu ferais mieux que lui. Parce que toi, tu serais à sa place, tu ferais peut-être pire que lui, moins que lui, et tu verrais en réalité la difficulté de la position dans laquelle il est. Et que c'est pas aussi facile que ça. Tu peux avoir les meilleures, les plus grandes bonnes intentions et la bonne volonté de vouloir tout changer, de vouloir faire toutes les choses bien, correctes. Lorsque tu es dans la situation, tu réalises que l'affaire te dépasse. Et que tu ne peux pas faire comme tu penses, hein, et qu'il y a des choses que tu ignorais, que tu n'imaginais même pas, des contraintes que tu ne pouvais même pas imaginer, quand tu es dans la situation, là tu réalises maintenant. Donc c'est pour ça que c'est facile de dire, ah oui, moi si c'était moi, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Alors, le jour où tu seras éprouvé par ce test, et par cette épreuve, et que Allah subhanahu wa ta'ala va te tester par cette épreuve, tu vas voir, est-ce que c'était si facile que ça. Hein? Moi, je mets au défi, là, tous ces gens-là qui critiquent les dirigeants, d'essayer, hein, si un jour Allah les éprouve par cette épreuve-là, et les met à l'épreuve dans cette situation-là, d'avoir une responsabilité sur des gens, pas une responsabilité sur un État, une responsabilité sur des individus, par exemple, une famille, être chef de famille. Même toi, là, t'es un père de famille, des fois, tu es dépassé par les contraintes qui ont rapport avec ta propre vie là dans ta maison. Donc si toi tu peux te dépasser dans ta propre maison avec tes propres enfants, avec ta propre femme, avec la société qui est autour de toi, tu ne peux pas gérer, comment tu penses que tu peux gérer un État au complet, avec tout ce qu'il y a dedans comme problème, hein, divergence, division, yeah, c'est difficile. Donc il faut en même temps comprendre cette situation-là, demander à Allah de les aider, ces dirigeants-là, de les pardonner pour leurs péchés, de les supporter, de les augmenter dans leur foi, dans leur connaissance et dans leur compréhension, et que Allah réforme la Ummah par des bons dirigeants. Donc c'est de ce sens-là que tu pourras leur faire du bien. Mais de les critiquer, de regarder leurs fautes et leurs erreurs, puis de penser que tout le malheur qui nous arrive, c'est uniquement à cause d'eux, ça c'est de l'injustice d'agir, de parler ou de penser de cette manière-là. Et de les critiquer publiquement ou ouvertement de cette manière-là, ça c'est, comme on l'a dit, c'est le manhaj des Khawarij. Hein? Donc le cheikh il dit, c'est obligatoire d'obéir et d'écouter aux dirigeants. Hein? Et il dit, sinon on ne pourra jamais s'unir. Et notre parole ne pourra jamais être unie. Et on ne pourra jamais être réunis et rassemblés sans se rassembler autour d'un dirigeant. Donc, si on n'a pas de dirigeant, si on n'est pas rassemblé de cette manière-là, il n'y aura pas d'obéissance et d'écoute au dirigeant. Et donc, dans ce cas-là, celui qui sort de l'autorité du dirigeant, dans ce cas-là, il n'est pas de la jama'a, il ne fait plus partie de la jama'a. Quelqu'un qui dit, moi, je ne reconnais pas l'autorité de ce dirigeant-là, et je ne l'obéis pas, je ne considère pas qu'il est mon dirigeant, celui-là, il est sorti de la jama'a. Il fait partie de ceux qui se sont égarés, qui se sont déviés. Chemin. Ils sont sortis de la jama'a, ils font maintenant partie des groupes d'égarés qui se rebellent contre les dirigeants, comme les Khawarij. Et le cheikh il mentionne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, il a enlevé de son cou le collier qui le rattache à l'islam. Khala'a riqbat al-islam min unuqihi. Et les ulama ont expliqué que ça c'est une grave menace, dans le sens que chacun d'entre nous, les musulmans, hein, par exemple, lorsqu'on appartient à l'islam, puis qu'on est dans un pays musulman, puis qu'il y a un dirigeant musulman qui nous dirige, c'est comme si on était tous comme les moutons, par exemple, les petits moutons, par exemple, quand ils sont petits, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes, ils mettaient un poteau, hein, ils plantaient un poteau dans la terre. Puis, au bout de ce poteau, ils accrochaient plein de ficelles. Hein, puis, au bout de chaque ficelle, avec un petit collier, ils attachent les moutons avec ça. Et ça, qu'est-ce qu'on appelle ça dans l'islam? Le collier, on l'appelle riqba. Et donc, quand quelqu'un entre dans l'islam, puis il a donné son allégeance à un dirigeant, à partir de ce moment-là, il est accroché par ce collier-là. Et d'un certain sens, c'est ce collier-là qui les attache, hein, c'est pour les protéger, en fait. Parce que si on ne les attache pas, ils s'éloignent du troupeau et ils se font manger par les loups. Donc le fait d'être unis, le fait d'être accrochés ensemble, ça c'est une protection pour nous. Hein. Mais du moment qu'on se sépare et qu'on s'éloigne de ça, on s'égare de la jama'a. Et c'est ça le danger. Donc, il y a une menace sévère. Et ça ne veut pas dire, comme certains peuvent s'imaginer, que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « فَقَدْ خَلَعَ رِقْبَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ » que ça veut dire, par exemple, qu'il a quitté l'islam. Non, ça ne veut pas dire qu'il a quitté l'islam. Mais ça veut dire qu'il est sorti de la jama'a. Et comme dans d'autres hadiths c'est mentionné, فَقَدْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. Il va mourir dans un état qui est comparable à l'état de la jahiliya. Parce que les gens dans la jahiliya, ils étaient tous divisés entre eux, et ils n'étaient pas unis autour d'un seul dirigeant. Donc c'est ça qui arrive quand les gens s'éloignent de la jama'a. Ça. Donc c'est ça. En ce qui concerne, par exemple, les musulmans qui vivent ici, par exemple, les musulmans qui viennent des pays musulmans, qui ont quitté leur pays, qui sont venus vivre ici, on avait posé la question au cheikh Oussama Al-Utaybi, il avait répondu à ce sujet-là, que les musulmans qui viennent des pays musulmans, ils gardent leur allégeance à leurs dirigeants respectifs, de leur pays respectif. Hein? Et en ce qui concerne les autres qui sont convertis, qui viennent de, par exemple les Canadiens, hein, qui sont nés ici, qui étaient chrétiens, qui sont devenus musulmans, ils disent ceux-là, dans ce cas-là, eux, ils n'ont pas d'allégeance. Et là, non. Oui, mais le Cheikh Al-Utaybi l'a dit, Cheikh Oussama Al-Utaybi, c'est pas Badr Al-Utaybi, parce que Badr Al-Utaybi, c'est yani un Haddadi, c'est pas le même, c'est pas la même personne. Donc, parce qu'il y a des frères, il y a des Français, en France, ils ont invité un Cheikh qui s'appelait Badr Al-Utaybi. Et lui, c'est un Haddadi, les ulama ont mis en garde contre lui. Cheikh, je pense que c'est Ahmed, Cheikh Ahmed, Bazmoul et Cheikh Mohamed Ibn Hadi, ils ont mis en garde contre lui, ils ont dit que c'était un Haddadi. Donc c'est juste pour spécifier, pour pas qu'il y ait d'amalgame entre les noms, parce que les deux s'appellent Utaydi. Al-Haddadi, c'est un groupe d'extrémistes, des gens parmi les jeunes bid'a, et eux, ils dénigrent les ulama, et ils les insultent, et ils les rabaissent, et ils les font déclarent Moubtadi'a et des choses de ce genre. Ils n'ont aucun respect pour les ulama. Et ils parlent de Cheikh Al-Albani. Par exemple, celui-là, Badr Al-Utaydi, il critique Cheikh Al-Albani et il le traite de Mourji et des choses de ce genre. Et il défend certains parmi les Takfirines et des choses de ce genre. Donc, c'est pas un salafi celui-là. Mais tandis que Oussama Al-Utaydi, c'est le Cheikh Yanni qui est bien connu. Qui a une maîtrise de l'université islamique de Médine, etc. Donc il a répondu à ce sujet-là, il a dit que les musulmans qui viennent des pays musulmans, même s'ils sont venus, s'ils ont pris la nationalité ou la citoyenneté, déjà ça en partant, de prendre la citoyenneté canadienne, de prêter allégeance à la reine d'Angleterre et des trucs de ce genre, tout ça c'est haram. Les ulama vous expliquent que c'est haram. Hein? Et non seulement ça, mais bon, ils gardent quand même leur allégeance à leurs dirigeants respectifs, à leurs pays respectifs, malgré ça. Hein? Donc, tandis que ceux qui sont musulmans convertis, qui sont nés ici, qui sont des Canadiens ou des Américains ou des Européens, etc., alors ceux-là, non, dans ce cas-là, ils n'ont pas d'allégeance spécifique à un pays, mais dans ce cas-là, le chef, il disait, dans ce cas-là, pour eux, c'est mieux pour eux de faire la hijra. D'aller vivre dans un pays musulman, et si c'est possible pour eux, dans ce cas-là, par la suite, de faire l'allégeance à un dirigeant musulman lorsqu'ils vont faire la hijra. Là, dans ce cas-là, alhamdoulilah, sinon, comme le cheikh il disait, que sinon quelqu'un peut donner l'allégeance comme ça de lui-même à un dirigeant en particulier, il a donné comme exemple l'Arabie Saoudite. S'il veut, il peut faire ça. Mais Allahu a'lam, les détails de cette question sont assez délicats. Peut-être que ce serait une question qui serait bien d'élaborer, de poser plus de questions détaillées aux ulama pour justement comprendre comme il faut notre statut en tant que musulman converti dans cette société. C'est quoi notre situation par rapport à ce hadith, ça c'est des choses importantes à comprendre. Ah, il y a d'autres questions aussi par rapport à d'autres détails de cette situation-là, mais on ne veut pas rentrer dans ces débats-là, parce qu'il y a des frères dans certains pays, hein, ils en ont fait une question de débat, Allah musta'an, et puis c'est pas une question sur laquelle on doit débattre ou se diviser les uns entre nous. Je ne veux pas mentionner trop là-dessus, mais il y a des frères qui comprennent et qui savent de quoi je parle. Donc, alhamdoulilah, il faut se retourner juste aux ulama, leur poser les questions quand il y a des détails qui sont compliqués, leur poser les questions pour qu'ils nous expliquent. Et si on se limite à ça, inshallah, donc le reste sera correct et clair pour nous. Donc, oui, c'est ça. Donc, quelqu'un, le cheikh, il dit, c'est pas quelque chose de, c'est une menace qui est très sérieuse et c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Lorsqu'un être humain parmi les musulmans, un individu parmi les musulmans, il s'écarte des musulmans, puis il s'en va tout seul. Et, ويتخلف عن المسلمين باجتهاده ورأيه فلا بد من الاجتماع. Donc il dit ça c'est grave, il ne faut pas que les musulmans s'écartent, ils restent derrière, ils ne restent pas avec le corps des musulmans, il se base sur son interprétation personnelle ou sur son opinion personnelle pour se séparer des musulmans puis retirer son autorité, de retirer son obéissance ou enlever son obéissance. Par exemple, il dit « moi je ne reconnais pas l'autorité de ce dirigeant-là », ça c'est pas correct, c'est très dangereux de faire ça. Donc il dit pour qu'il y ait l'unité entre les musulmans, donc c'est sûr qu'il faut qu'ils se mettent autour d'un dirigeant. Et comme il y a des ulama qui ont expliqué que l'idéal ce serait que tous les musulmans dans le monde entier seraient tous unis autour d'un seul dirigeant. Et que tous les États actuels, par exemple, ils se mettraient d'accord pour en choisir un qui serait le dirigeant pour tous les autres, et puis les autres seraient comme des ministres de ce dirigeant-là. Ça, c'est ce qui est obligatoire aux musulmans, et c'est ça ce qu'ils devraient faire. Toutefois, si ça, c'est pas possible, dans ce cas-là, là où il y a un dirigeant, et tout le monde se sont réunis autour de lui, et il y a les frontières qui délimitent son territoire, et dans ce territoire-là, c'est lui le chef d'État, donc dans ce cas-là, il a la responsabilité du chef de l'État, et les citoyens de ce pays-là, ou ceux qui habitent dans ce pays-là, parmi les musulmans, ils ont obligation d'obéir à ce dirigeant-là dans le bien. Hein. Parce que depuis très longtemps, depuis des siècles et des siècles, les musulmans n'ont pas été réunis autour d'un seul dirigeant. La Ummah a été divisée en différents pays depuis très très très longtemps, hein, depuis peut-être plus que 10 siècles. Donc il ne faut pas s'étonner que ce soit comme ça aujourd'hui, c'est pas d'hier que c'est comme ça. Et les ulama à l'époque, lorsque ces divisions-là se sont produites au début, déjà ils ont donné les fatwas, ils ont clarifié les choses que dans chaque contrée là où il y a un dirigeant, les musulmans doivent obéir à ce dirigeant-là qui est responsable de cette contrée-là, et ce dirigeant-là a les responsabilités de faire appliquer dans sa région les règles de la charia et de faire établir l'islam là où il est au pouvoir. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui ici, puis Inch'Allah on continuera les autres points du hadith qui sont mentionnés, on va les expliquer dans les cours prochains Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayhi.